Écoutez. Nous avons le PC de Ronnie en ligne. Oui. Alors, comment se passe le départ pour ce pont du 1er mai? Bien que nous ayons conseillé aux automobilistes de ne pas sortir de Paris de 16h à 22h, la circulation est beaucoup plus importante que prévu. Les Parisiens, malgré le mauvais temps, n'ont pas voulu perdre une heure. On signale déjà de nombreux ralentissements sur l'autoroute du Sud, particulièrement au niveau d'Orly. Un accident sur l'autoroute du Sud dans le sens Paris-Province, ayant provoqué un embouteillage au niveau de Tournus, nous vous conseillons de quitter l'autoroute à Châlons-Sud et de suivre la Nationale 7 jusqu'à Mâcon-Nord. Sur le reste du réseau, circulation fluide. Au cas où vous auriez l'intention de partir demain matin, suivez les conseils de Bison Futé et quittez Paris le plus tôt possible. La circulation sera difficile de 9h à 11h.